إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، نتكلم عن أول الفرائض وأهم الواجبات وأعظم الحقوق المتعلقة بالله تعالى، وهو أول الأمر وآخره، وهو الغاية التي خلق من أجلها الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنه توحيد الله تعالى الذي حاجتنا إليه فوق كل حاجة، وضرورتنا إليها فوق كل ضرورة. فلا سعادة للقلوب إلا بتوحيد علام الغيوب، ولا نعيم ولا سرور ولا أمن إلا بتحقيقه. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والتوحيد هو أساس دعوة جميع الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك نجد أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام من أولهم نوح إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرصوا على دعوة أبنائهم لتحقيقه واهتموا به أشد اهتمام. فهذا نوح يدعو ولده أن يكون مع ركب الموحدين، وتحذيره من مصاحبة أهل الضلال والمعاندين. قال تعالى: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وإبراهيم الخليل عليه السلام يوصي أبناءه بالتوحيد، كما قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويعقوب عليه السلام يوصي أبناءه في لحظاته الأخيرة بالتوحيد، كما قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي أول وصايا من الرجل الصالح لقمان لابنه تحذيره له من الشرك، قال تعالى على لسانه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم اهتم بأمر تعليم التوحيد للصغار وفي مرحلة متقدمة جدا من مراحل طفولتهم، وهي مرحلة الولادة، كما في حديث عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة رضي الله عنهما. رواه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني. وقال الإمام ابن القيم مبينا الحكمة من هذه السنة وسر التأذين في أذن الصغير، والله أعلم، أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته، أي كلمات الأذان المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك بمثابة تلقينه لشعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها، وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى، وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان، وهو كان يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءها، فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به. وفيه معنى آخر، وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. ومن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بعقيدة الناشئة أنه كان صلى الله عليه وسلم يجعل مسؤولية تربية الأبناء على التوحيد على الآباء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه. ولذلك حرص على استغلال ركوب الغلام الصغير ابن عباس رضي الله عنهما معه ليعلمه التوحيد، حيث قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث. واستغل جلوسه مع عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما على مائدة طعام ليعلمه أن يسمي الله وأن يأكل بيمينه ويأكل مما يليه، كما في الحديث المتفق على صحته: واعلموا أن على الأمة جميعا وعلى الآباء على وجه الخصوص واجب تربية الأبناء على التوحيد، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه فتن الشبهات وكثر فيه دعاة الإلحاد والضلال والفساد، وتنوعت أساليب ومناهجهم عبر كل وسيلة متاحة يصل مضمونها للصغير قبل الكبير. فجميل من الوالدين تعليم الصغير نطق لا إله إلا الله، فهذه أم سليم الرميصاء أم أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، أسلمت وكان أنس صغيرا ولم يفطن بعد، فجعلت تلقن أنسا: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله. كذلك التدرج مع الصغير في التعليم لينشأ على محبة خالقه ورجائه والخوف منه، وليحصل على الأمن والهداية في دنياه وآخرته، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم نسألك صلاحا لأبنائنا وأبناء المسلمين في عقائدهم وجميع أحوالهم. اللهم احفظ لهم دينهم ودنياهم، واحفظهم من كل بلاء وشر وفتنة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيرفيتور الله، préservez-vous d'Allah et rappelez-vous de la première des grandes obligations de l'islam. La plus grande des obligations que Allah Azza wa Jal nous a ordonnées, et le plus grand de tous les droits qui sont reliés au droit d'Allah Azza wa Jal, et son premier commandement, et le but même pour lequel Allah Azza wa Jal nous a créés, et c'est l'adoration d'Allah et son adoration exclusive, c'est-à-dire de faire en sorte que son adoration soit exclusivement pour lui, et d'établir l'unicité d'Allah, c'est-à-dire le tawhid. Et Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran ce qui signifie: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient dans leur adoration, en adorant que moi et en rejetant tout ce qui est adoré en dehors de moi. Et donc le tawhid d'Allah Azza wa Jal, et le besoin qu'on a de la connaissance reliée au tawhid, c'est un besoin qui dépasse tous les autres besoins de l'être humain. Ce besoin-là, il est encore plus important que notre besoin de manger et de boire, plus important même encore que notre besoin de l'air qu'on a pour respirer. Et quelqu'un même se poserait la question: mais comment on a besoin de l'air pour respirer, sinon on va mourir? On a besoin de l'eau pour boire, sinon on va mourir. On a besoin de manger, sinon on meurt. Mais la mort du corps, eh bien, c'est rien par rapport à la mort de l'âme. Et sans la connaissance et sans le tawhid, eh bien, c'est la mort de l'âme. Et dans l'au-delà, c'est l'enfer éternel. Et donc, ce qui nous aide à comprendre l'importance de la connaissance d'Allah Azza wa Jal, de connaître Allah, notre Créateur, de connaître comment l'adorer et la signification de l'adoration. Je vais demander aux frères de se rapprocher juste un peu encore et de se coller les uns à côté des autres aussi, pour essayer de faire de l'espace pour les frères qui arrivent. Parce qu'il y a beaucoup d'espace et les gens qui arrivent en dernier, ils ne peuvent pas s'asseoir ou ne peuvent pas faire raka'atayn. Jazakumullahu khayran. Donc le tawhid d'Allah Azza wa Jal, c'est ce qui amène en réalité le bonheur dans le cœur des hommes, et également la paix et la sécurité lorsque quelqu'un l'a mis en application et l'a exécuté de manière correcte. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran ce qui signifie: et ceux qui ont cru et qui n'ont pas couvert leur foi d'injustice, c'est-à-dire de shirk, ceux-là, ils auront la sécurité au jour de la résurrection et ils seront bien guidés. Donc le tawhid, lorsqu'on regarde l'exemple des messagers, eh bien, c'est la première chose à laquelle ils ont appelé l'humanité. Chaque prophète, chaque messager qui est venu à son peuple, sa première chose, hein, son premier message, c'était toujours « La ilaha illallah », c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah Azza wa Jal. En commençant par le premier d'entre eux, le messager Nuh alayhi salam, jusqu'au dernier d'entre eux, Muhammad alayhi salatu wa salam. Ils se sont tous concentrés sur ce message fondamental de la foi. Et ils ont débuté cette da'wah avec leur peuple. Et non seulement ça, mais ils ont concentré également leur effort par rapport à l'éducation de leurs enfants. Et on voit l'exemple de Nuh alayhi salam lorsqu'il est monté sur l'arche et qu'il a vu un de ses fils qui était en train de s'égarer avec les mouchriquines et les égarés et les gens qui s'opposaient à la foi. Et lorsqu'il l'a vu et que les vagues commençaient à s'élever à la hauteur des montagnes, et il dit à son fils de venir avec lui et de monter dans l'arche et de ne pas être avec les mécréants. Ça, c'est un exemple de l'appel d'un père pour son fils qui l'appelle à la foi et au tawhid. Et l'exemple d'Ibrahim alayhi salam qui enjoint à ses enfants de s'accrocher au tawhid et de se cramponner au tawhid. Et on le voit dans le Coran lorsqu'il dit Allah Azza wa Jal, ce qui signifie, et il a enjoint à ses enfants, à Yaqub et à ses enfants, de yani, rester fidèles. Et il leur a dit, Allah a choisi pour vous la religion, alors ne mourrez qu'en étant musulman, ne mourrez qu'en état de soumission à Allah Azza wa Jal, et qu'en étant musulman, soumis à Allah, et établi sur l'unicité d'Allah dans l'adoration, le tawhid. Et Yaqub alayhi salam, au moment de la mort, la dernière parole qu'il leur donne comme conseil, et qu'est-ce qui leur incite, hein, de suivre après lui, lorsque Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, et étiez-vous témoin lorsque la mort est venue à Yaqub, alayhi salam, et qu'il dit à ses fils, qu'allez-vous adorer après moi? Allez-vous adorer les idoles? Allez-vous adorer le soleil et la lune? Allez-vous adorer Jésus ou la croix? Allez-vous adorer les djinns ou les shayatines? Hein? Qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Et c'est ça, hein, sa préoccupation, sa crainte pour ses enfants. C'est pas de savoir nécessairement, oh, est-ce qu'ils vont avoir un bon travail? Est-ce qu'ils vont en faire des diplômes? Est-ce qu'ils vont avoir des grandes maisons et beaucoup de richesses et des belles voitures? Hein? Est-ce qu'ils vont avoir beaucoup d'enfants? C'était pas ça sa préoccupation. Sa préoccupation pour ses enfants, c'est est-ce qu'ils vont s'accrocher au tawhid d'Allah? Est-ce qu'ils vont rester sur l'adoration d'Allah Azza wa Jal? Ou bien ils vont tomber dans le shirk, et dans le kufr, et dans l'athéisme, et dans la mécréance? Et donc il leur dit, qu'allez-vous adorer après moi? Et ils répondent, nous allons adorer ta divinité. Et la divinité, celui que nos ancêtres ont adoré, et nos pères ont adoré, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, une divinité unique, et nous sommes soumis à lui. Nous sommes musulmans. Donc ça, c'est l'exemple des prophètes, et comment ils insistaient pour que leurs enfants restent sur la foi. Et l'exemple de Luqman, également, que Allah Azza wa Jal a mentionné dans le Coran, lorsqu'il dit à son fils, en l'avertissant du shirk, « Oh mon fils, ne fais pas de shirk avec Allah. Certes, le shirk, c'est la plus grande des injustices. » Et donc ça implique qu'il lui a enseigné le tawhid et qu'il l'a averti contre le shirk. Et donc l'ordre du tawhid, il reste, et surtout avec les enfants, parce que c'est eux qui sont l'avenir de cette ummah. Et donc c'est très important de leur inculquer le tawhid depuis l'enfance, et de leur expliquer l'importance de cet aspect de l'islam qui est le fondement et la base même de la religion. C'est le fondement sans lequel il n'y a pas de religion du tout. Si quelqu'un n'a pas de tawhid, il n'a pas d'islam, même s'il a tout le reste. Donc c'est extrêmement important de l'enseigner, surtout aux enfants et surtout dans des pays non musulmans, dans des pays de kufr, où ils vont passer devant toutes sortes de croyances, toutes sortes de religions. Et dans les pays musulmans, peut-être que les musulmans n'auraient pas ce problème. Parce que là-bas, tout le monde est musulman. Tu rentres dans un magasin, tu dis « Assalamu alaikum ». Tout le monde te répond « Wa alaikum salam ». Tu n'as pas besoin de te poser la question. Hein? Et quand j'ai vécu en Arabie Saoudite, et j'ai étudié à Médine, et j'ai pris l'habitude de dire le salam, chaque fois que je rentre dans un magasin, « Assalamu alaikum ». Tout le monde dit « Wa alaikum salam ». Et quand tu sors dans la rue, tu marches, tu rencontres n'importe qui, « Assalamu alaikum, wa alaikum salam ». Même des étrangers, des gens que tu connais même pas, « Assalamu alaikum, wa alaikum salam ». Et puis quand tu reviens ici, hein, tu peux pas dire « Salam alaikum » à tout le monde parce que tu sais qu'ils sont pas croyants. Et donc au début, j'avais tellement l'habitude de dire « Salam alaikum » à tout le monde que parfois je rentre quelque part, je dis « Assalamu alaikum » et j'oublie, je dis « Ah, c'est vrai, je suis plus dans un pays musulman, je suis dans un pays de kufr ». Donc la mentalité et l'attitude, elle change. Et tes enfants, ils vivent ici dans ce pays, entourés de shirk et de kufr. Ils passent devant des églises, ils passent devant des temples hindous, ils passent devant des temples bouddhistes, ils passent devant des églises, toutes sortes de différentes formes de croyances. Ils rentrent sur YouTube, ils trouvent des chaînes, il y en a qui appellent au kufr. Il y a même des postes et des groupes et des chaînes des murtaddin et des malahida, des gens qui ont dit comment j'ai quitté l'islam, pourquoi j'ai quitté l'islam, et qui appellent les musulmans à sortir de l'islam et à quitter l'islam et qui combattent l'islam. Et beaucoup de jeunes musulmans qui sont venus ici pour faire des études et ils ont apostasié. Ils ont quitté la foi complètement. Et ils disent ouvertement, je ne crois plus en l'islam. Je ne veux plus rien savoir de l'islam. Hein? Je ne suis plus musulman. Ils le disent. Donc les gens, ils disent, ah, ici, c'est bien. Hein? On vient en Europe, en Amérique. Et il y en a qui disent parmi les musulmans, moi, c'est ici que j'ai découvert l'islam. C'est ici que j'ai commencé à pratiquer ma religion. Ça, c'est quel pourcentage de musulmans qui sont dans cette situation-là, par rapport à la grande majorité de ceux qu'on ne voit jamais venir à la mosquée, de ceux qu'on n'entend jamais, et dont on voit les enfants à la sortie des métros, chaque jour, habillés comme des voyous et des vagabonds, hein, qui traînent à écouter du rap, qui s'habillent comme des chanteurs de rap, et qui font toutes sortes de bêtises et des mauvais coups. Hein, et qui tombe dans la drogue, et qui tombe dans le crime. Hein? Où est-ce qu'elle est l'éducation de ces enfants-là? Et où est-ce qu'ils sont les parents de ces enfants-là qui sont musulmans? Mais les parents eux-mêmes, ils ont délaissé leur religion. Et ils ont arrêté de pratiquer depuis longtemps. Et ils n'ont rien à faire de la religion. Pour eux, ça ne veut rien dire. Et leurs enfants grandissent comme ça, dans cette société de kufr. Et ils se disent, ouais, moi je suis de tel pays, moi je suis telle origine, hein, je suis fier de ma culture. Mais où est-ce qu'il est ta foi? Où est-ce qu'elle est ton iman? Où est-ce qu'elle est l'éducation islamique basée sur la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah? L'islam, c'est pas juste une culture, c'est pas juste une tradition, c'est pas juste un attachement émotionnel ou émotif à une culture ou à une tradition ou à des choses de ce genre. Non, c'est une aqida, une conviction profonde, une foi qui peut être adoptée par n'importe quel individu sur terre, n'importe quelle culture peut l'accepter, n'importe quelle origine peut l'accepter, n'importe quel peuple, de n'importe quelle origine, de n'importe quelle langue, de n'importe quelle ethnie, du moment qu'il a cette conviction en la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, il devient un musulman. Et on oublie que la majorité des sahabas sont tous des convertis. et un petit nombre des enfants des sahaba qui sont nés dans l'islam, mais la grande majorité sont des gens qui ont accepté l'islam, des nouveaux musulmans. Et c'est cet islam qui a changé leur vie du shirk au tawhid, des ténèbres à la lumière, du kufr à l'iman. Maintenant, beaucoup d'entre nous qui sommes nés dans des familles musulmanes, et des pays musulmans, on a reçu cet islam, mais maintenant il faut travailler pour faire revivre cet iman dans notre cœur et pour vraiment le mériter cette guidance, mériter cette foi, mériter cette appartenance à cette grande religion. C'est pas juste avec la bouche, c'est pas juste avec la langue, mais c'est avec nos actes, avec nos gestes. Et ça doit se refléter dans notre façon de vivre, dans notre façon d'être. Et personne ne peut prétendre avoir ça pour acquis. Peu importe son niveau de connaissance, peu importe son niveau de pratique, peu importe son niveau de foi, c'est un combat quotidien. C'est une lutte sans arrêt. Un combat contre le shaitan à chaque seconde de ta vie. Tu peux pas dire ça y est, j'ai gagné, j'ai réussi, je suis sauvé. Non. Tant qu'il y a un instant que tu respires, le combat continue. C'est un challenge, c'est une lutte, c'est un défi, c'est un combat entre toi et le shaitan, entre toi et ton nafs. Alors, il faut bien commencer avec nos enfants. Ne soyez pas comme ceux qui ont fait l'erreur de dire, moi je veux laisser la liberté à mes enfants. Ils vont apprendre par eux-mêmes. Je leur parle pas de religion. Ils vont grandir. S'ils veulent être musulmans, s'ils veulent être religieux, ils vont être religieux. Non. Ça, c'est la mentalité des ennemis d'Allah et des koufars. Donne à tes enfants tous les armes et les outils de connaissance et de science et de foi qu'ils peuvent avoir besoin pour se bâtir eux-mêmes et pour bâtir leur foi, pour bâtir leur personnalité, pour bâtir leur réalité de qui ils sont et de qui ils doivent être. Donne-leur tout ce qu'ils peuvent avoir de besoin pour devenir quelqu'un, pour devenir un croyant, pour devenir un mu'min. Tu fais toutes les causes. Tabzul al-asbab. Tu fais les causes. Le résultat, c'est entre les mains d'Allah. Tu sais pas comment ils vont sortir. Peut-être que Allah va les égarer, peut-être que Allah va les guider, mais tu as fait ton devoir. Tu as eu entre tes mains ces enfants-là comme une amana, un dépôt. Et tu as fait les causes pour les préserver et les protéger et les guider et les orienter. Regardez Nuh alayhi salam, un messager parmi les messagers. Et regardez comment son fils est sorti. Il s'est égaré. Mais est-ce que Nuh alayhi salam a dit, ah, tant pis, moi je l'ai laissé, je m'occupe plus de lui? Non. Jusqu'à la dernière minute, il a essayé de le sauver et de l'appeler à la ilaha illallah et au tawhid. Et on a d'autres exemples du contraire. Parfois, c'est le fils qui est guidé et le père qui est égaré. Et l'exemple de Ibrahim alayhi salam, ça c'est un exemple. Donc j'ai rencontré des parents musulmans, ils m'ont dit, ah, mashallah, mon fils il est bien, hein, il travaille dans telle chose, il a un bon poste, il s'est acheté sa maison, il s'est marié, mais pas de salat, pas de din, pas d'ibada, rien. Hein? Est-ce que c'est ça, être bien, et tu dis, je suis content de lui, je suis fier, il a réussi sa vie. C'est ça la réussite de la vie? D'avoir la dunya mais pas d'avoir de iman, c'est pas ça la réussite de la vie, mes frères. Il faut s'enlever cette fausse conception de nos esprits et revenir à la réalité pour laquelle Allah nous a créés. Parce que sinon, c'est grave qu'est-ce qui nous attend. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, j'ai peur pour mes enfants. J'ai peur pour les enfants des musulmans en général. On a tous peur, c'est normal. Parce qu'on sait qu'on a des manquements, on sait qu'on a des faiblesses, On sait qu'on est tellement occupé par cette dunya et par toutes sortes de préoccupations que des fois on néglige nos obligations et nos devoirs. Hein? C'est pour ça qu'il faut toujours demander à Allah de nous aider, hein, et de nous donner la force d'essayer d'établir nos devoirs et nos responsabilités, parce que c'est pas facile pour personne, mais c'est ça le test. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Les frères, avant de terminer, je veux juste demander, parce qu'on a essayé de trouver quelqu'un pour réparer l'air climatisé, on n'a pas trouvé personne. Si vous connaissez des gens qui connaissent ces spécialités-là et qui savent comment réparer ça, eh bien, ce serait gentil, barakallahu fikum, de les contacter ou de les mettre en contact avec nous pour qu'on puisse régler ce problème, parce que il fait de plus en plus chaud. C'est le début. Donc, si vous voulez pas être en train de suer tout l'été comme ça, essayez de voir si vous pouvez trouver quelqu'un qui peut arranger ça. Si on peut pas l'arranger celui-là, on va se mettre ensemble, on achète un nouveau qui va être meilleur, qui va fonctionner, inshallah. Donc ça, c'est tout ce que je voulais dire en terminant. Jazakumullahu khairan. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.